de l'homme dans la matière, que l'homme va pouvoir commencer à mesurer ce qu'on appelle, nous autres, de l'intelligence. À mesurer de l'intelligence. Ça se mesure de l'intelligence. Et ça se mesure au fur et à mesure qu'on apprend à détruire ce que nous avons connu. L'homme de demain est un peu comme ça. Vous avez l'homme d'aujourd'hui, vous avez un mur, et vous avez l'homme de demain. Et l'homme de demain, l'homme d'aujourd'hui ne le connaît pas. On n'a pas d'idée qu'est-ce qu'on est demain. On n'a pas d'idée qu'est-ce qu'on est quand on est fusionné. On n'a pas d'idée qu'est-ce qu'on peut quand on est fusionné. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est que l'homme fusionné. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est la conscience cosmique. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est le pouvoir de l'intelligence sur la Terre, le pouvoir de la volonté sur la Terre. Donc, on n'a aucune idée de ce qu'on peut faire sur la Terre. Donc, on est absolument incapable d'avoir une mesure précise de ce qu'est notre vie sur la Terre. Donc, on est incapable de vivre notre vie sur la Terre. Donc, on est obligé de vivre une sorte de vie qui est existentielle et qui ne fait pas partie de l'homme ici. Alors, lui, à un certain moment, il commence à se rapprocher. Mais il faut qu'il brise ça pour se rapprocher. Et dans ce processus-là, nous autres, on vit l'exaspération. Qui, dans le fond, est quoi? L'exaspération, c'est la descente dans la matière mentale, émotionnelle, vitale et physique de l'homme de l'énergie du double. Le double, il ne peut s'exercer dans l'homme que sur le plan atomique de sa conscience. Que ce soit sur le plan atomique de sa conscience mentale, que ce soit sur le plan atomique de sa conscience astrale, que ce soit sur le plan atomique de sa conscience vitale, de son corps physique, le double s'exerce dans l'homme sur le plan de sa conscience atomique. Ce qui veut dire que le double ne peut être conscientisé dans l'homme que lorsqu'il a pénétré dans la conscience de ces plans-là. Donc, automatiquement, sa pénétration dans la conscience de ces plans-là demande qu'il y a un changement vibratoire dans ces plans-là, parce que sa pénétration crée ces changements vibratoires-là. Alors, l'exaspération, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Quand le double rentre, il se crée dans l'homme de l'exaspération. Le plan mental vibre, le plan astral vibre, le plan vital vibre, et même le plan physique vibre, parce que votre système nerveux change, vous devenez tout tendu. Ah! Le concept de l'exaspération ou le phénomène de l'exaspération est beaucoup plus qu'un concept simplement psychologique. C'est une réalité vibratoire qui rend intransigeant l'ego à la longue. Et quand l'ego devient intransigeant, je parle pas d'intransigeance psychologique du gars qui a une tête de cochon et qui veut rien comprendre. Je parle de l'intransigeance vibratoire. Cette grande intransigeance qui fait partie de la grande volonté, de la grande intelligence du double, qui permet à l'ego de s'étendre dans toutes les directions possibles s'il le veut, ou de se concentrer dans un point s'il le veut. Autrement dit, d'aller vers l'homme s'il le veut, ou de se retirer complètement de l'homme s'il le veut. De donner s'il le veut, et de retirer s'il le veut. À ce moment-là, il y a un équilibre entre l'homme, l'ego, et sa conscience vibratoire, son double. Le double, c'est de l'intelligence, de la volonté, de l'amour. C'est ça, le double. C'est prépersonnel, le double. Ça vient avant la personne de l'art. C'est prépersonnel. Ça a sa propre loi. C'est sa propre loi. C'est la loi de l'homme. C'est la loi de la lumière dans l'homme, le double. Ça ne se rationalise pas, le double. Ça a toujours raison, le double. L'ego s'exaspère contre cette raison permanente et injustifiable du point de vue de l'ego, mais justifiable du point de vue du double au fur et à mesure que l'ego comprend et voit que ce que le double a créé dans le passé, qui créait chez l'homme son insurrection, si vous voulez, et qui a amené l'homme plus tard à un certain niveau de conscience. Le double, c'est la, mat- Le double, c'est la matière lumineuse de l'âme. C'est l'âme cosmique. C'est la mémoire universelle de l'âme. C'est la totalité de l'âme qui doit se fusionner avec la partialité de l'âme, qui est la partie planétaire, qui est la partie qui a été condensée dans la matière pour que se spiritualise la matière, pour que s'élève le taux vibratoire de la matière, pour que se crée dans la matière des civilisations qui sont dignes de l'intelligence créative qui est à l'origine de tout. Qu'il y ait une relation, faut qu'il y ait une corrélation entre la civilisation et le cosmos, entre la civilisation et les forces créatives. Sans ça, c'est la destruction. C'est la civilisation qu'on connaît. C'est ça le double. Un aspect du double. Le double, c'est le Dieu dans l'homme. Le double, c'est Dieu. L'homme avant n'était pas suffisamment intelligent, il était trop spirituel, il était trop primitif pour voir que son double, c'était Dieu. Et la totalité des doubles, la totalité des manifestations des doubles, la totalité au cours de l'évolution de la fusion des doubles créera un nombre innombrable de dieux totalement perfectionnés. Mais il faut que l'homme se désengage de ce dieu ancien-là, qu'il a créé parce qu'il n'était pas suffisamment conscient de son double, pour se rapprocher de son double et prendre conscience de son dieu, autrement dit de lui-même. Mais c'est un mot dangereux, le mot Dieu, parce qu'on n'est pas capable de l'interpréter, de l'invoquer dans la nature même de sa manifestation. Et d'ailleurs, lorsque vous vivrez la fusion, vous verrez que le mot Dieu n'est pas un mot créé par le double, c'est un mot créé par l'astral. Le double est incapable de créer le mot Dieu. L'astral, oui. Parce que l'astral tend à dominer l'homme, tandis que le double libère l'homme. Donc, le double ne peut pas contaminer l'homme avec le mot Dieu, parce que le mot Dieu, c'est une contamination de l'astral contre l'homme pour assujettir l'homme émotivement et mentalement à des conditions d'évolution qui, aujourd'hui, au cours de la sixième race et la future, seront totalement dépassées. Le mot Dieu, c'est un mot qui est proportionnel à la nature émotive de l'humanité. Donc, c'est un mot qui est proportionnel à la nature astrale de l'homme. Et là où le mot Dieu est invoqué ou a été invoqué dans le passé, l'homme a perdu contact avec le double. Jusqu'à temps que l'homme puisse, dans l'avenir, revenir, reprendre conscience. Contact avec cette lumière qui est, entre parenthèses, divine, autrement dit, totale, autrement dit, parfaite en elle-même. On ne réalise pas, nous autres, les hommes, le poids, l'envergure du poids des mots qui font partie de notre mémoire. On ne réalise pas. Parce qu'aussitôt qu'il nous est enlevé une forme, surtout une forme qui fait partie de notre sacré, on panique. Pourquoi est-ce qu'on panique? Parce qu'il nous est enlevé la sécurité que crée la forme dans notre émotion. On dirait que l'ego n'est pas capable de vivre pas de top. Ça prend toujours un top. Un top. S'il n'y avait pas de top, c'est là, vous seriez mal à l'aise. La pluie qui tombe, le froid. Un top, là, que tu sécurises. On n'est pas capable de vivre pas de top. Dieu, c'est notre top. Croteau, il avait son top, il a placé le soukmad, j'ai fait péter ça. Là, il est bien, il n'y a plus de top. Là, c'est Croteau qui est le top. On a la chienne de vivre pas de top. Il y a des gens qui ne sont pas capables de marcher sur la rue sans se porter un chapeau. Ça leur prend un chapeau, surtout les juifs. Ils sont à l'aise, ils sont sécures avec un chapeau, ça sécurise le chapeau. Je parle pas des femmes, je parle des hommes. C'est pas la même psychologie du chapeau, de la femme. La femme a fait du chapeau. Non, mais... Je parle des femmes. ajoute le chapeau. Mais on a besoin d'un top. Et c'est l'exaspération qui fait sauter le top. Sacrement, quand t'as assez souffert du double, tu fais sauter ton top. Fait qu'un jour, vous ferez sauter votre top. On a tout un top. Il y en a qui ont des tops en fer, il y en a qui ont des tops en bois, il y en a qui ont des tops en acier. On a toutes sortes de tops. Mais un jour, vous ferez sauter votre coupole. Fait qu'à ce moment-là, c'est votre tête qui sera dans la coupole, à la place d'avoir une coupole au-dessus de votre tête. Mais tant que vous ne ferez pas sauter votre top, vous ne serez jamais dans l'intelligence de la connaissance astralement donnée à l'homme pour la domination de son esprit et pour le maintien sur la terre d'une convention collective qu'on appelle la conscience expérimentale de l'humanité. Ben vrai. Je voudrais parler un petit peu en profondeur du mécanisme de compétition chez l'homme. Expliquer qu'est-ce que c'est le fameux phénomène de la compétition. C'est très, très subtil, la compétition. On peut être compétitif sans être compétitif, puis on peut être compétitif en étant compétitif. Dans le phénomène de compétition, selon ou dépendant où il se situe, le phénomène de compétition, il y a une certaine valeur. Parce que la compétition permet de créer entre deux êtres un échange d'énergie suffisamment intense pour faciliter encore plus d'échanges d'énergie. Vous avez déjà remarqué, si vous jouez un jeu avec quelqu'un et qu'il y a de la compétition, il y a beaucoup d'énergie. Il y a plus d'échanges d'énergie entre les deux êtres. Sur le plan mécanique, la compétition, c'est intéressant. Là où la compétition devient détrimentale, là, où elle devient détrimentale à son intelligence, où elle devient détrimentale à son émotion, où l'homme, en étant compétitif, se sert de l'énergie de l'autre sans s'en apercevoir. Quand on est compétitif, on se sert de l'énergie d'une autre personne sans s'en apercevoir. D'ailleurs, la compétition, c'est probablement un des phénomènes psychologiques les plus voilés à l'ego, même si c'est un phénomène qui est très, très conscient chez l'ego. Autrement dit, l'ego est facilement conscient de la compétition, mais il ne connaît pas les mécanismes occultes psychologiques derrière la compétition. C'est ça que je veux vous expliquer. Aussitôt qu'un ego est compétitif vis-à-vis un autre ego, il se sert de l'énergie de l'autre. Mais il ne se sert pas de l'énergie de l'autre d'une façon à mettre en valeur l'autre. Il se sert de l'énergie de l'autre de façon à se mettre lui-même en valeur. Pour si on va à l'art martial, dans l'art martial, il y a une compétition. Un art martial qui est très bien vécu se sert de l'énergie de l'autre pour mettre en valeur le rapport entre deux êtres d'une façon de plus en plus créative. Alors, un être ou un maître ou quelqu'un qui fait l'art martial, qui serait très, très conscient, se servirait totalement de l'énergie de l'autre, mais non pas au détriment de l'autre. Donc, se servant de l'énergie de l'autre, il pourrait créer un mouvement dans la matière, au niveau de l'art martial, qui serait très beau. Il y aurait un rapport de force parce qu'il y en a toujours un qui est plus habile que l'autre, mais il n'y aurait pas d'utilisation de la part d'un ego de l'énergie de l'autre contre ou au détriment de celui qui lui est opposé. Donc, il y aurait dans la matière un très beau mouvement d'art martial. Dans le plan ou dans le domaine psychologique, c'est beaucoup plus subtil. C'est très, très, très dur pour un ego de se servir de l'énergie de l'autre et que cette énergie ou cette utilisation d'énergie-là ne soit pas faite à son détriment. Il faut être très conscient, il faut être très simple, très humble, très, très bon, très grand en esprit pour se servir de l'énergie d'une autre personne et ne pas enlever à cette autre personne-là son énergie. dans le domaine de la discussion, dans le domaine du langage ou de l'échange entre deux personnes, des fois, on va parler avec quelqu'un, puis on va sentir une énergie à la personne, un point de vue, quelque chose d'intelligent, quelque chose d'intéressant, et on va se greffer à ce point de vue-là, puis on va dire, ouais, c'est intéressant ça, puis on le développe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne raison à la personne, on lui fait voir qu'il a dit quelque chose d'intéressant, et on le développe, si on est capable de le développer. Donc, on n'enlève pas à la personne quoi que ce soit. On n'agit pas détrimentalement. Si on est compétitif, à ce moment-là, on va essayer de surpasser ce que la personne a dit, de le corriger, de lui donner une certaine valeur qui nous est personnelle, au lieu de prendre ce que la personne a dit et de le développer. Bon, pour expliquer brièvement ce que je veux dire, là, supposons que vous avez un jardin. Supposons que je vais chez vous, vous avez un jardin, vous avez des belles fleurs. Ah, je dis, tiens, t'as une belle fleur, j'ai dit, je pourrais-tu l'amener chez nous? Je prends votre fleur, puis je l'amène chez nous, puis je la transplante. Autrement dit, je fais une continuité entre votre mouvement, puis je l'amène chez nous, et je l'amène dans ma propre terre. Alors, je ne vous ai rien enlevé. Mais si je dis, ouais, t'as des belles fleurs, mais moi, j'en ai des belles aussi. Ça, c'est de la compétition. Là, je vous enlève quelque chose. Je vous enlève le fait que vous avez, vous, créé une belle fleur. Je suis pas capable de m'arrêter là. Si, par contre, je vous dis, tu m'en donnerais-tu une fleur que je l'amène chez nous pour la transplanter? Là, ça vous fait plaisir. Je me sers de votre énergie, mais pas à votre détriment. Et dans le domaine de la communication entre les hommes, c'est très, très important et c'est la même chose. La compétition, c'est un phénomène égoïque, c'est un phénomène qui a une très grande importance dans la vie humaine, mais c'est un phénomène aussi qui est très dangereux parce que c'est un phénomène qui fait éclater les relations humaines. La compétition fait éclater les relations humaines parce qu'elle empêche un ego qui peut avoir un certain niveau d'intelligence de comprendre et de réaliser que l'intelligence n'est pas sienne et que l'intelligence, elle est une manifestation de l'énergie à travers lui ou à travers d'un autre, et qu'elle doit servir les deux et non pas simplement une personne. Le danger de la compétition, c'est qu'elle crée une pyramide d'énergie. Une pyramide d'énergie, c'est très dangereux parce que si l'énergie, il faut que ça soit toujours conscientisé. C'est-à-dire que l'énergie, il faut que ça soit toujours utilisé pour servir. Alors, si elle part du dessus de la pyramide, il faut qu'elle descende dans la fondation de la pyramide. Mais il faut être très conscient pour se servir d'une énergie et ne pas l'encapsuler et ne pas la colorer par notre personnalité. Et le phénomène de compétition, c'est un phénomène où on colore l'énergie par notre personnalité. Dans la compétition, il y a toujours coloration de l'énergie par notre personnalité. C'est pour ça que dans le phénomène de compétition, il y a toujours une certaine vanité, une certaine conscience de soi. Conscience de soi qui a la valeur ou qui a une valeur dans ce sens que c'est bon que l'homme ait conscience de lui-même, mais une conscience de soi qui doit être exprimée en fonction d'une plus grande réalité de soi qui n'est pas centrée sur l'ego, mais qui est centrée sur l'infinité du double, autrement dit de l'intelligence pure. Dans le domaine ou dans le phénomène de conversion de l'énergie, surtout de l'énergie supramentale vis-à-vis l'énergie mentale, il y a facilement chez l'homme l'effort, l'essai, le mécanisme de contrôler le plus possible au niveau de son ego l'énergie créative qui passe en lui. Et ça, c'est un autre aspect de la compétition. On veut être compétitif ou on ne veut pas être compétitif, mais on l'est. Et dans ce phénomène de compétition, sans qu'on s'en aperçoive, on essaie de contrôler l'énergie. Et en essayant de contrôler l'énergie, c'est là qu'on crée une pyramide d'énergie, et c'est là qu'à ce moment, l'énergie reste dans la partie supérieure de la pyramide au lieu de descendre dans la base. Parce que pour que l'énergie descende dans la base d'une pyramide, il faut que, invisiblement, il y ait un côté opposé à la pyramide qui va aller comme ça. Autrement dit, l'énergie, elle descend dans la base, mais il faut qu'elle revienne à son apex. Et l'apex, c'est la partie invisible de l'homme. Autrement dit, la partie visible, l'ego, construit la pyramide, mais l'apex doit recevoir aussi la même énergie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien entre la partie qui génère l'énergie et la partie qui la reçoit. S'il n'y a pas de lien entre la partie qui génère l'énergie, qui est le double, et la partie qui la reçoit, qui est l'ego, il y a automatiquement compétition, et automatiquement l'énergie restera, demeurera dans la pyramide établie ou créée vibratoirement par l'ego. Et automatiquement, là, vous aurez un phénomène de perception de la part des autres hommes, des autres égaux, qu'il y a une certaine tension dans la connaissance. Là où il y a compétition dans l'énergie supramentale, il y a toujours une tension dans la connaissance. Et s'il y a une tension dans la connaissance, il y aura une diminution du pouvoir de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y aura une diminution du pouvoir de la conscience supramentale sur le plan mental. Autrement dit, l'homme sera plus affaibli dans son pouvoir créatif vis-à-vis l'autre homme, parce que la tension empêchera, créera un rétrécissement des formes utilisées. Autrement dit, le vocabulaire, les mots, la façon de parler, les exclamations, la structure vibratoire et psychique du phénomène de mentation sera réduit à cause du phénomène de compétition. Là où il y a compétition, il y a toujours tension entre deux êtres. Et il ne doit pas y avoir de tension entre deux êtres. Il doit y avoir toujours une sorte de relaxation pour que les formes utilisées dans la communication prennent le plus d'ampleur possible. C'est-à-dire que les formes soient le moins en moins colorées par l'ego. Les gens qui vont en public, par exemple, ou qui parlent en public, ou des artistes, des choses comme ça, sentent le trac. C'est le trac. Qu'est-ce que c'est le trac? Le trac, c'est l'esprit de compétition qui contracte. Qui contracte le passage de l'énergie entre le double et l'ego. C'est ça qui crée le trac. Ça prend un certain temps, ensuite les gens s'ajustent pas trop. Le trac, c'est la compétition entre la salle, la masse, qui viennent vous regarder et vous-même. Une compétition. Seulement, c'est une compétition passive d'eux à vous, mais c'est une compétition active de vous à eux. Et qu'est-ce qui vit la compétition? C'est vous, c'est pas la salle. Une personne qui serait trop prisonnière de ce phénomène de trac pourrait totalement nuire à son spectacle en public. Et ce phénomène de compétition, il existe entre les hommes sur le plan individuel. Et dans le phénomène de l'instruction, dans le phénomène du passage, de la canalisation de connaissances qui sont totalement vibratoires vers l'homme, il ne faut pas qu'il y ait de compétition. Parce que le double ne peut pas ajuster la pensée créative, l'énergie créative au mental, s'il y a compétition dans l'ego, parce que le double se refuse, parce que ça fait partie de la nature de l'intelligence, le double se refuse de soulager psychologiquement l'ego pour son propre bien-être à lui. Le double s'oppose à ce que l'ego se serve de son énergie pour lui-même. Le double s'oppose toujours à la formation sur le plan matériel d'une croûte au-dessus de la connaissance, ou qui englobe la connaissance. Parce que le double veut toujours que les hommes participent d'une façon créative et neutre et plaisante et non égocentrique à sa présence dans la matière par la voie de la communication. Le phénomène de communication, c'est un phénomène qui, chez certaines personnes, est très fort, chez d'autres personnes, moins fort. Est-ce que c'est bon d'être compétitif? C'est une question philosophique ou une question psychologique. Si je me pose moi-même la question, Est-ce que moi, j'aime être compétitif? Je pourrais répondre que si je joue à un jeu, j'aimerais qu'il y ait une petite tension. J'aimerais ça qu'il y ait une petite tension, une petite compétition. Mais il ne faut pas que la compétition soit... Il ne faut pas, il faut que la compétition soit créée par la vibration du double. Il ne faut pas qu'elle soit créée par l'ego. Si la compétition est créée par l'énergie du double, à ce moment-là, le double va créer la compétition en restreignant, en réduisant. Écoutez bien ça. En réduisant le pouvoir créatif pour faire vibrer les corps subtils de l'homme. C'est le double. En réduisant le canal, si vous voulez, va faire vibrer l'homme. Parce que si le double ouvre tout le canal, là, il n'y aurait plus de compétition. Là, l'énergie du double passe, puis tu fracasses la partie. Tu gagnes, il n'y a plus de compétition. Fait que le double, au lieu de vous faire gagner tout d'un coup, il va vous faire gagner, il va vous faire perdre un petit peu, vous faire gagner un petit peu, vous faire perdre un petit peu. Là, la tension avance. Là, le double crée une tension en se servant de votre corps astral. Là, il y a de la compétition. Eux autres, ils appellent ça de l'enjeu. Là, il y a de l'enjeu entre les deux personnes. Là, c'est plaisant. Fait qu'il y a une subtile différence entre la compétition et l'enjeu. L'enjeu, c'est intéressant parce que ça fait partie de la vibration du double qui passe par l'astral, par le centre émotionnel. Ça crée. Mais c'est pas comme la compétition. Et s'il y a trop de compétition, s'il y a trop de compétition entre deux hommes, surtout au niveau du jeu, surtout au niveau du jeu. Un jour, vous en parlerez des lois du jeu. S'il y a trop de compétition au niveau du jeu, à ce moment-là, le double va faire interférence. Va réduire la canalisation et éventuellement va vous faire perdre. Là, ça fait vibrer encore plus le corps astral. C'est ça qui arrive dans les courses. Le double, il réduit le canard. De temps en temps, il l'ouvre, tu gagnes. Ensuite, il le réduit. Puis il le rouvre. Là, l'ego s'embarque, puis là, il pense qu'il va regagner. Là, parce qu'il a gagné deux, trois fois, il pense qu'il va regagner. Puis finalement, à la fin de la partie, il a perdu. Et l'utilisation du mécanisme de compétition dans la vie par le double, c'est presque universel. Et dans le domaine de la communication entre les hommes, c'est très important que les hommes puissent ne pas sentir de compétition en eux pour que le double puisse se servir des deux êtres en communication pour canaliser son information. Sinon, il y aura restriction et la qualité de l'intelligence ne sera pas la même. C'est pas la même. Parce que quand deux hommes ou un homme parlent à une salle, quand un homme parle à une salle, faut que la salle et l'homme soient un. Faut que la salle sente qu'elle est un avec l'homme qui parle. Là, il y a une homogénéité qui se crée. Il y a un plaisir d'être, il y a une sorte de convivialité de l'esprit qui existe. Sans ça, on a l'impression de se faire dire l'affaire. De se faire imposer des affaires. Il y a comme un décalage. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre un speaker et la salle. Il faut que ce soit un. Puis dans le domaine des relations humaines interpersonnelles, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre deux égaux. Il faut que ce soit comme une sorte d'unité dans le mental. Là, la compétition n'existe pas. Et là, il y a énormément d'échanges entre deux êtres. Et c'est là que les êtres apprennent à se connaître, apprennent à connaître ou à savoir ce qu'ils savent, ainsi de suite. Il y a des gens qui souffrent d'une façon maladive de compétition. Ils sont trop compétitifs. Et la compétition, trop de compétition, mène à la violence. Mène même à la violence psychologique. Et la violence psychologique dans le domaine de la compétition, ça peut être très, très fatigant pour ceux qui ne vivent pas de cette expérience-là. Quand on est inconscient et qu'on a certaines qualités d'esprit ou qu'on a une certaine vibration, qu'on a une certaine intelligence, ainsi de suite, qu'on a une certaine force de caractère, on est compétitif, c'est normal. C'est normal d'être compétitif, de pouvoir faire valoir ou prévaloir une sorte de fond de soi-même, l'extérioriser. Ça nous permet de nous extérioriser dans le monde. Bon. Mais il faut qu'on soit conscient aussi, ou quand on devient conscient, on s'aperçoit qu'on perd de la compétition. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre capacité de nous extérioriser. Alors, qu'est-ce que c'est que ça fait la compétition? Chez l'homme inconscient, ça lui permet de sortir, d'extérioriser vers l'extérieur ce qu'il a en lui. Mais chez l'homme conscient, la compétition, ça disparaît pour ne devenir qu'une force créative. La compétition devient une force créative. Et un être qui est très conscient et qui rencontre des gens qui sont naturellement compétitifs parce que ça fait partie de notre éducation, ainsi de suite, même ça fait partie de notre culture depuis des millénaires, surtout dans le domaine intellectuel, qu'est-ce qui va se produire? Soit qu'il sortit ou qu'il crée un choc. En créant un choc, s'il est capable de le faire, à ce moment-là, il va rompre l'esprit de compétition, mais à ce moment-là, il va falloir qu'il ait la parole pour réellement prendre contrôle de la situation, ainsi de suite. Mais ça dépend de chaque individu. Pour un être conscient, la compétition, c'est bien fatigant. C'est bien fatigant. Parce que ça te force à dépenser plus d'énergie que tu voudrais en dépenser. C'est fatigant, la compétition. Pour un être inconscient, la compétition, c'est normal. Mais ça peut être fatigant aussi si c'est outre mesure. Je suis sûr qu'il y a des gens inconscients qui rencontrent des gens inconscients qui sentent leur compétition, puis ça est fatigant. Et ça devient fatigant. Compétition entre les femmes, des fois, qui existent au niveau de leur beauté, de leur féminité. Compétition entre les hommes au niveau de leur muscle. Compétition sur la route. Le gars, il y a un char qui est plus fort que l'autre. Puis il te le montre. Puis c'est la queue. La compétition, c'est un phénomène qu'on rencontre dans notre vie et qui devient très, très fatigant à la longue parce que ça nous force à perdre de l'énergie. Et un homme conscient doit ou en arrive à perdre de moins en moins d'énergie. Il n'est plus capable d'en perdre d'énergie. Il n'est plus intéressant à être compétitif. Alors à ce moment-là, la compétition est remplacée simplement par la force de son mental. C'est la force de son mental qui devient ensuite la mesure de son pouvoir créatif qui neutralise la compétition. Parce que rendu à ce point-là, la compétition, tu n'es plus bien gros. Il y a de la compétition dans les couples entre l'homme et la femme. Comme il y a de la compétition entre les enfants, entre les frères et les sœurs. La compétition ou la psychologie de la compétition vient du fait que l'humanité a, depuis très très longtemps, enregistré dans son mental et au cours de son expérience des valeurs très, très subliminales de la vérité accumulées au cours des siècles. Et cette valeur-là, ces valeurs-là qui se font partie de l'âme, mais qui se reproduisent dans l'ego de l'homme vibratoirement, créent le phénomène de compétition. C'est quand on se conscientise et que l'âme n'a plus de pouvoir ou la mémoire n'a plus de pouvoir sur l'ego, qu'on ne vit plus ça, cette vibration-là. Les intellectuels, les gens qui ont une bonne éducation, les gens qui ont une forte formation académique, ainsi de suite, sentent la compétition mentale, parce qu'il y a différentes sortes de compétitions. C'est toujours un rapport de force. Ils la sentent, cette compétition-là. Mais eux autres sont habitués, pour eux, ça devient un jeu, la compétition. Ah, c'est le fun, pour eux autres. Seulement, s'il y a trop de compétition à l'intérieur d'une société qui convie à sa table plusieurs personnes de haut calibre mental, ce qui arrive, c'est qu'il y a plus de perte de temps et de jasette et de discussion que de travail créatif. Et c'est ça qui fait que les gouvernements sont très, très inactifs créativement. Parce que il y a trop de compétition à l'intérieur des gouvernements, il y a trop de confrontation. J'étais chez Vito hier, j'entendais des gens du PQ là, qui parlaient. Un type, un ministre, là, pas t'entends le sorte de dialogue entre ces gens-là, qui est totalement compétitif. Il n'y a pas de respect pour l'autre personne. C'est toujours moi, puis moi, puis moi, puis ce que j'ai fait, puis comment est-ce que je l'ai placé, puis comment est-ce que j'ai arrangé ça, puis comment est-ce que j'ai fait sentir ce que je voulais, puis comment est-ce que c'était. J'aurais aimé ça m'asseoir à sa table. Alors, la compétition, c'est bien fatigant. Et plus l'homme se conscientise, plus il devient mûr moins il est compétitif. Autrement dit, la compétition, c'est la mesure de notre manque de maturité. Il y a un manque de maturité dans le phénomène d'être compétitif. Et il y a un manque de maturité fondé sur une insécurité. Insécurité qui doit être éventuellement éliminée par la fusion, la rencontre du double avec l'ego. Là où il y a compétition, il y a toujours insécurité. Dans le phénomène de compétition, l'ego veut toujours être à la mesure de lui-même. Il ne veut pas perdre la mesure de lui-même. La mesure de lui-même, c'est la qualité intérieure de ce qu'il pense être, lorsqu'en fait, il peut être beaucoup plus que ça. Mais il ne peut pas être beaucoup plus que ça s'il est compétitif. Parce que la compétition, c'est toujours la limite psychologique créative de l'ego. La compétition, c'est la limite psychologique créative de l'ego. En tant que l'ego a une limite psychologique créative, il ne peut pas être en dehors de la limite de la psychologie, donc il ne peut pas être totalement créatif. Il n'est que partiellement créatif. Mais comme il l'est, il ne veut pas le perdre. Comme il ne veut pas le perdre, il essaie constamment de vivre sa compétition afin de pouvoir garder ce qu'il est, non pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. C'est plus tard qu'il pourra garder ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est ce que lui donnera le double. Autrement dit, ce sera le pouvoir créatif qui est totalement au-dessus de la compétition. La compétition naît de la dualité dans l'homme. Elle naît du manque d'intégration de l'homme cosmique et de l'homme planétaire, du double et de l'ego. C'est pour ça que dans le phénomène de compétition, chez les êtres qui sont compétitifs, ou chez les êtres qui vivent la compétition, ou ceux qui sont très compétitifs, il y a toujours une force en avant et une faiblesse en dedans. La compétition crée le phénomène de la glace au printemps. Il y a de la glace, mais dans le fond, elle est molle, la glace. Et ce qui arrive dans la vie, c'est que là où il y a extrême compétition, là où il y a compétition réellement négative chez un homme, souvent la vie ou le double va créer des situations où l'homme va vivre sa compétition. Autrement dit, ils vont y faire rencontrer quelqu'un qui est encore plus compétitif pour le faire souffrir dans la compétition. Autrement dit, le faire souffrir dans l'ego. C'est très beau de rencontrer un homme qui est dans la force créative, que ce soit sur le plan de la physicalité, ou que ce soit sur le plan de la mentation, de n'importe quel domaine, mais là où on ne se sent pas de compétition, ou quand on rencontre un grand scientiste, où tu sens pas, tiens, l'imposante créativité qui neutralise tout. Un Einstein, il s'assied à la table, tout le monde ferme leur gueule. Mais par l'imposition créative, mais pas parce qu'il est compétitif. La compétition diminue la valeur de la personnalité chez l'homme. L'absence de compétition additionnée de la force créative de l'homme donne une ampleur extraordinaire à la personnalité humaine. Elle la rend belle, la personnalité humaine. La compétition rétrécit toujours l'homme. Même si l'homme est grand au niveau du double, elle le rétrécit sur le plan humain. Lorsqu'en fait, le double doit donner de l'ampleur aussi à la personne humaine. Mais il faut que la compétition disparaisse. Un ego inconscient ou un ego qui se conscientise, réalise, compétition, ainsi de suite, réalise qu'il est compétitif, mais un jour, il doit en prendre conscience. Et prendre conscience de la compétition chez soi, c'est prendre conscience de la nécessité d'être de plus en plus capable d'échanger avec d'autres sans se servir de leur énergie. Et c'est difficile pour l'ego de voir que dans la compétition, il se sert de l'énergie de l'autre. Je vais vous expliquer comment ça se fait. Dans le phénomène de compétition, l'ego se sert de l'énergie de l'autre quand il veut, d'une façon ou d'une autre, soit avoir raison, soit étendre son champ d'action, soit s'assurer de contrôler, maintenir la situation, soit d'avoir en main la ligne de force des événements de la situation. C'est là qu'il prend subliminalement l'énergie de l'autre. Un ego qui est moindrement centré, qui est moindrement dans son intelligence, n'a pas besoin d'être compétitif. Il n'a pas besoin de s'assurer de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de sécurité psychologique dans son entre-gens avec les autres. Il est sécurité. Pas besoin de ça. Il n'a jamais peur de manquer son coup. Parce que dans le phénomène de compétition, la peur de manquer son coup, c'est l'envers de la compétition. Dans la compétition, il y a un envers. C'est la peur de manquer son coup. C'est subtil, la compétition. C'est très, très subtil. Et il y a des gens qui sont pas compétitifs et qui sont compétitifs. Et ils sont compétitifs non pas parce qu'ils sont compétitifs, mais ils sont compétitifs parce qu'ils ont peur de manquer leur coup. C'est subtil, la compétition. Ça va loin. Aussitôt que l'ego a peur de manquer son coup, il est compétitif. Mais ça, il faut l'avoir. Il faut que le double nous le dise parce qu'on ne peut pas voir ça. C'est très difficile pour nous autres de voir les deux côtés de la médaille en même temps parce qu'on n'a rien que d'un côté. Aussitôt qu'un ego a peur de manquer son coup, il est compétitif. Donc, comme les hommes ont peur de manquer leur coup tout le temps, il y a beaucoup de compétition sur la table. Entre les hommes. Et c'est ça qui crée les froissements entre les hommes, ainsi de suite. C'est très difficile de perdre la vibration de la compétition parce que la vibration de la compétition est une vibration accumulée, elle est accumulative. Elle n'est pas simplement le résultat de notre vie temporaire, mais elle est aussi le résultat de l'accumulation de nos expériences anciennes. Donc, c'est évident que si l'homme a eu des expériences dans la période romaine, par exemple, s'il a été gladiateur où il y avait une extrême compétition, la vibration de cette expérience demeure dans l'âme, elle fait partie de la mémoire de l'homme. Et elle se continuera, cette vibration, à travers le tempérament et le caractère dans une incarnation future.